5 horas em Portugal Continental e na Madeira. Bienvenue à tous sur le 96.2. Si vous venez de nous rejoindre, Chantal avec vous jusqu'à 20h, c'est votre émission Groove Tropical. Toute l'actualité musicale afro-caraïbéenne avec du zouk, du compas, du zouk rétro, du zouk de chez nous, et puis du compas aussi, du compas rétro. On va en avoir une grande plage d'ici la fin de la soirée. En tout cas, je vous souhaite un très très bon moment, ma compagnie. 18h, 20h, c'est Chantal qui vous accompagne. Moi faire ou mal et ou pas de mériter. Chaque jour, on prie un ticket ou un danger. Et tout ça pour yon limina, limina, limina. Senti moi haï, m'on n'aime pas fumé. Moi senti moi sous, ça m'a voué l'iré. Kounia moi joué na karma. Même les ou pas prépondre, m'espérer ou attendre. Bébé ou c'est oxygène, moi. T'as préféré vivre le glow. bref. Mwen se ou mari ou pa merite. Chak chou ap kriye ti ke ou ananje. Tout sa pou yon limena. Limena. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Le soleil se lève, un nouveau jour. Je souffle, je t'aime dans ton oreille. Un bisou dans le cou, histoire de me donner des ailes. Je sens mon cœur explose, que je perds le contrôle. À chaque fois, je frissonne. Dans ma vie, t'as le premier rôle. Ah oui, on a besoin de chaleur aujourd'hui. Collé avec Mickaël sur le 96.2 dans votre émission groupe tropical avec du très bon son ce soir. Vous verrez si vous êtes patient, si vous êtes fanatique aussi, parce qu'il va y avoir de très très bons morceaux de Comparetro. Eh bien oui, j'en ai fait le choix, du live en plus. Donc restez bien calés sur le 96.2, plein de surprises. Ah, rien que pour vous mes fidèles auditeurs. Au final, on s'est éloigné. On ne voyait plus que nos défauts. Mais je pense encore à lui. On s'est rendu mauvais, s'est consolé. Qui de nous a commis la faute? J'ai que regardé toutes nos photos. Je l'aime, pourtant j'ai tout essayé. mal, mais je peux pas m'en empêcher, je l'avoue. Comment tirer un trait sur une queue? Pour moi, c'est douloureux, comme si ça t'était hier. Je t'ai balé les souvenirs qui restent. Toutes tes promesses, j'aurais dû tout laisser. Je l'aime, pourtant j'ai tout essayé. Et malgré tous mes efforts, rien n'a changé. dernier verre. Après le bal, rejoins-moi pour un dernier verre, chérie. Après bal là. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux. j'ai mes frères qui cachaient un fortune. Radio Arc-en-Ciel Orléans, tout nouveau, tout chaud, le tout dernier album de... Non, c'est un grand retour quand même, hein, Phil Control avec ce titre, ça viendra. Sur le 96.9, on va continuer comme ça. Eh bien oui, d'autres nouveautés. Mais avant ça, tiens, allez, petit ici, on va aller au soleil des Antilles. Le Noël des Antilles avec Mavunza, c'est l'époque, que voulez-vous, c'est parti. Très très bonne soirée en ma compagnie, Chantal avec vous, jusqu'à 20h, votre émission au tropical. Joyeux Noël à tous. All right. Vous avez envie de fêter le nouvel an dans une ambiance tropicale? Rendez-vous à Ormes, salle Rabelais, le mardi 31 décembre 2024 avec Tipiment pour un grand réveillon créole. Ambiance musicale assurée tout au bout de la nuit avec un plateau d'artistes. Les chanteurs martiniquais Jean-Luc Alger et José Versol et la talenteuse Béatrice Poulot, choriste de Cassave. Formule repas, 75 euros et réservation obligatoire au 07 54 54 09 88. Pourquoi attendre lorsque l'on sait où on veut? jamais seul. Plus jamais seul. Moi j'ai besoin de toi. Y'a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y'a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, puis babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches, oui, puis babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, je le t'aime, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive it all en bord, vini. Da, da, da. Chérie, nous sous ça. Campé, da, da, da. Bamele, bamele. Da, da, da. Full BBL, baby. Remercie Dieu parce qu'on a la santé. Je monte pas, baby, sinon y aura trop de débat. Allez, trop talent. Depuis le vent de rose, il n'y a trop talent. Juste René m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Cette bitch m'a dit je t'aime, mais c'est trop bas. Mais c'est trop bas. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout. La carte est blague, disons alléluia. Yo, Judas. Précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout. La carte est blague, disons alléluia. Baby, je l'étoile, vini. Vini, vini, pas timide. Drive it all en Lamborghini. Chérie, nous sous ça. Campé, bamele, bamele. Full BBL, baby. Bamele, bamele. Chérie, nous sous ça. Campé, baby, je le t'aime, vini. Vini, vini, pas timide. Drive it all en Lamborghini. Chérie, nous sous ça. Campé, bamele, bamele. Full BBL, baby. Sur Arc-en-Ciel, votre émission Groove Tropical, le tube du moment, 4 campagnes. Aïe, aïe, aïe. Sûrement le tube de vos fêtes, en tout cas sur le 96.2, je vous ai promis des vieilles choses, des vieux trucs que je cherchais dans mon frigo. Écoutez ça. Ah, je sens que ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Hein. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Je suis là-bas. Arc-en-ciel, en harmonie. La FM, en couleur. En couleur. On fait les choses. Donne-moi ton love. Bébé, dis-moi, t'es love de moi, hein? Non, parce que je me demandais si tu serais prêt à céder à tous mes caprices. Mais vraiment, vraiment tout. Maintenant, tu dis que tu veux t'investir. Arc-en-ciel 96.2, votre émission Groove Tropical, chaque jeudi entre 18h et 20h. C'est le meilleur de la musique qui vient de la Caraïbe. Tout de suite, c'est Monsieur Paille. Et oui, drôle de prénom. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce morceau. Je vous propose de l'écouter tout de suite et c'est rêvé. Très, très bonne soirée à ma compagnie Chantal avec vous jusqu'à 20h. Top time we gas vie la te pake atan mwe I paka la stune me bon die fo mwe pose mwe sa rêve mwe sa rêve mwe sa rêve mwe lep ma soume e fi pa leve mwe sa rêve si ça t'est vrai. Chachan zetwal, pou mwen pa tou sel, yo di la fwa. Se tou pre bondi, alo pou ki sa. Se pa mwen ka koute, mwen pe pa. Kontinye kouri, mwen pa ni do. Celle sort d'impression, on va tourner commenter Léa. On peut pas attendre l'amour de personne, pop frère, au café des sangs, j'ai eu trop noué pour m'arrêter là. Mais vive le beau, fui Béa. Non, mais peut pas dire ça rêve, pour moi ça rêve, pour moi ça rêve, moi les mains sont mes vitamines, pour moi ça rêve, comme si ça te chérie, tu vas mentir. nous coup de coq qui tombe bataille ma boton. Chai la vie sous gamme. Boton. Chai misère sous gamme. Sou ki mwen vle konte, sel moun mwen vi reve. Ou ti ka sel moun, ou ti ka, ou ti ka gen mwen. Love mwen, affection mwen, attention mwen, mwen. Plis tout sa ki mwen kiye mwen. Si ou ta vle msi spon. Arc-en-ciel Orléans, votre émission groupe tropical, c'était le groupe Impossible avec Chai sur le 96.2. Deux petites infos, le groupe Frappe sera en concert au Crige d'Orléans le samedi 14 décembre, et bien oui c'est ce samedi à 19h, l'entrée est gratuite, au programme Zouk, Deguine, Compa, Mazurka, etc., etc. Et puis n'oubliez pas non plus le grand rendez-vous annuel avec le club antillais le 21 décembre avec un chanté Noël à la salle du Baron. Là aussi c'est gratuit à partir de 15h jusqu'à... Un grand moment à profiter pour s'amuser en ces fêtes de Noël. C'est Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Depuis son mail, les vaisseaux pour moi dans son jeu. Moi, si t'es crié, on m'a battu de déranger. Maïlo vend tellement lasse. Yo, dis-moi, faut faire appel, bien, mais pas la guerre, t'es solé. En cas son chez moment nous passer. Mon Dieu, mais papa, je peux pas porter. Ah, j'ai écouté ça, yo, va raconter. Faut laisser yo faire la monter. Faut quitter yo faire manigance. Depuis première fois nous contrer, nous te disait pour la vie, oh. Bah, moi, l'emmène, nous, que fait chimé, ensemble, souhait, yo. Si la pluie tombe, c'est moi qui, que c'est vivant, bah. chat, je peux pas porter. Ah, j'ai écouté ça, mon cas raconté. Faut laisser yo faire la bonté. Faut quitter yo faire ma ligue en ça, yo dans mon bébé encore. Anonyme. Anonyme. Anonyme. La FM, la FM en couleur. Banda HMI, la gang, yo sen patron. Fanatique dit Max Fini. Tout à fait, c'est cool. C'est Wyclef qui devant, a pas au saisi. L'expérience amène la raison, yeah. Dans mon massa, loyauté tient à pour trouver. Limité en tout cas, car les hommes tellement jaloux. Si on va c'est pas de tête à tête. Lyon, pas son kawa, on parle en mer. Connais pas l'argent, tout le monde va conclu, c'est bouche des pagnes pour le parler, yeah. Au fin d'un coup, à au fin cloué sous quoi, elle s'est prête à faire une grâce, j'en dis à nous face à face, ou pas possible ton passage obligé, ma vie pour les langues à déranger. La soirée là, t'es qu'un caresse combat. Tourner. Ouh la la la la la.

96.2 La FM en couleur.

dans votre émission Groupe Tropical Souvenir, Souvenir avec Jean-Luc Alger. Jean-Luc Alger qui, je vous rappelle, sera à Ormes, salle Rabelais pour le réveillon du 31 décembre en compagnie de José Versol et Béatrice Pelot. Ne pas oublier ça. Allez, c'est bientôt Noël. Tiens, d'ailleurs, je ferai un spécial Noël la semaine prochaine avec plein de choses. Une ambiance. Comme là-bas. En attendant, c'est Mademoiselle Yemi Alade, c'est Merry Christmas. Nouveauté. 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. Arc-en-ciel en harmonie, la FM en couleur. En couleur. misè, le misè sa tombe, tout su bon rentè. La parole gagne qui côté on sorti qui les souillé pour faire ou défaire tout mon chali We'll be right back. Sa pa di manye, paske ou pale sou do. Sa pa di manye, mwen pa jan mwen kupe ou publik la fe mwen konfyan. Sa pa di manye, mwen gen lon kan map travay tout kote mwen pa jan farige. Sa pa di manye, mwen gen lon kan map travay tout kote mwen pa jan farige. Si vous voulez, on nous mène à l'air. Vagabond, vagabond, pas goumé. Vagabond, vagabond, pas goumé. Vagabond, vagabond, pas goumé.

Arc-en-ciel, votre émission Groupe Tropical, extrait du tout dernier album de Zingle, hein, qui est sorti il y a quelques jours seulement, je crois une quinzaine de jours. En tout cas, moi j'adore l'album, tout l'album est excellent. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en votre compagnie. Il est presque 20h, il est l'heure pour moi de vous quitter, mais je vous retrouve bien entendu la semaine prochaine, même heure, même endroit, même soleil. Par contre, avec un spécial Noël, avec plein de bonnes choses, vous verrez. Sur le 96.2, je vous laisse en compagnie pour terminer cette émission avec Lawrence. Et bien, j'adore ce titre, tout. Ah oui, elle a tout comme moi. Exactement. Très très bonne soirée sur Radio Arc-en-Ciel. Très très bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. On s'est dit que tout était dead. Et pourtant, j'essayais de t'oublier en gaspillant mon temps. Je suis tombé sur plus gentil, je me suis ennuyé. Puis tombé sur celle qui ne voulait que mes billets. J'ai pas envie de te chercher parmi des milliers, des milliers. Mais toi, tu avais tout. La FM en couleur. Para ser batido, Roger, pé esquerdo, bola na área, cabeceamento.